Oui, ça guérit tout quand tu es jaloux et ça met dans le cœur un petit peu de bonheur. Regardez ça, mesdames, regardez ça, mesdames, si t'aimes pas te jabalant, on la danse à petit pas, 4, 5, 6 comme ça. C'est pas fait pour les nichons, pas fait pour les cochons, ni pour les gonzesses à poignons. Non, c'est nous seuls qu'on la fait, car c'est la fête de près. Hey, c'est la fête de près.